Chapitre 22e. Le 9 juillet, nous entrions dans les eaux de l'Amazone. À notre gauche était la terre de Paria. Bien loin, devant nous et à droite, la grande île de Marajou. Tout le monde était ou paraissait content. Nous passions alternativement d'une chaleur insupportable à une averse qui nous forçait à fuir sous le pont, où malgré le bruit qu'on faisait, j'entendais croasser mon officier mélomane. Je préférais l'averse. La ville de Paria ou Belém avait de loin une grande analogie avec Venise. La vue de ses plages basses, de ses arbres dont la petitesse ne me rappelait nullement ceux des montagnes que je venais de quitter, ne me semblait pas en rapport avec ce que j'avais espéré. Car à Rio, si on parlait d'une chose merveilleuse, elle venait de Paria. Les oiseaux les plus brillants par leurs couleurs éclatantes étaient du Paria, les fruits les plus savoureux, les ananas, les mangues, les sapotis, toujours du Paria. Quand le navire jeta l'ancre très près du quai, comme nous n'étions plus rafraîchis par la brise de la mer ni par celle qui naissait de la marche même du navire, je crus que la chaleur allait me suffoquer. On déposa sur le quai, sous une espèce de hangar, tous nos effets, qui furent laissés sous la surveillance du mulâtre, et nous allâmes chercher notre logement. Nous passâmes dans une cuisine desservie par des êtres si sales et surtout d'une pâleur tellement étrange que je ne doutais pas un seul instant d'avoir sous les yeux des malades attaqués de la fièvre jaune. Ces fantômes débarrassèrent, sur l'ordre du maître, une grande pièce qui nous était destinée. On en retira des tas de vieilles guenilles, de vieux pots cassés, un berceau d'enfants et un tonneau de vin. Cette chambre, à peu près aussi grande que mon magasin de Victoria, n'était séparée d'une autre dans laquelle couchaient pêle-mêle le maître, les enfants, les domestiques pâles et les nègres, que par une cloison s'élevant de 6 pieds à peine et qui n'atteignait pas la moitié de la hauteur du plafond. Notre gîte assuré et certain de dîner, nous retournâmes sur le quai. Le chanteur connaissait les usages. Chaque pièce de notre bagage fut portée séparément par des gens de toutes couleurs, de tout âge et de tout sexe. Naturellement, les plus gros objets étaient tombés en partage aux plus faibles commissionnaires. Il y en avait 17. La cuisine et l'escalier étaient encombrés. Il y avait encore des porteurs dans la rue qui poussaient les premiers. Notre maréchal des logis fit entrer tout ce monde dans notre grande chambre. Puis il forma une longue file et aligna par rang de taille chaque porteur ayant devant lui son paquet. Comme cette manœuvre avait été faite sérieusement, la vente se gardait bien de sourire. Chacun reçut, selon son travail, une pièce de monnaie. Nous fermâmes la porte après avoir poussé un peu brutalement les traînards qui paraissaient vouloir réclamer. C'était, selon l'usage, ceux qui avaient été le mieux payés. Le dîner ne fut pas précisément bon comme je m'y attendais. La cuisine portugaise était réduite à sa plus simple expression. Nous allâmes le même soir parcourir la ville en tous sens avec le commandador. La plupart des rues sont larges, les maisons n'ont presque toutes qu'un étage, elles ont des balcons à 4 à 5 pieds du sol. La terre rouge, dont les rues sont remplies, salit et tache tout ce qui est propre. C'est ce que j'ai pu voir en rentrant, non sans quelques contrariétés. De retour à l'hôtel, dans notre chambre à 4, il n'y avait que 2 hamacs. Fort heureusement, j'avais apporté le mien. L'officier musicien rentra au milieu de la nuit, et sans plus d'égard qu'à l'époque où il sifflait ses romances dans les oreilles des gens, il se mit à parler tout haut, appelant le maître du logis, les domestiques, jurant comme un possédé de ce qu'il n'avait pas de lit pour se coucher. Et tout furieux, après nous avoir réveillés, il sortit pour chercher gîte ailleurs. J'étais aussi furieux que lui, mais contre lui. Le mulâtre ne s'était aperçu de rien. Seulement ses ronflements s'en étaient augmentés. J'allais passer le reste de la nuit sur un balcon au clair de lune qui était très brillante. La fraîcheur était venue remplacer cette chaleur étouffante qui commence chaque jour avec le lever du soleil. J'appris avec peine le lendemain que je ne trouverais pour me servir aucun domestique qui parlât le français. On m'indiqua un horloger qui peut-être pourrait me renseigner un peu mieux. Il demeurait à côté de l'hôtel. Il faut avoir voyagé dans un pays dont on ne connaît pas bien la langue pour comprendre avec quel plaisir j'écoutais parler ce brave homme. Il m'offrit de m'accompagner pour remettre mes lettres d'introduction. J'acceptai avec grand empressement cette proposition et nous allâmes aussitôt faire nos visites. Je fus reçu à merveille. L'hospitalité me fut offerte de toutes parts avec cette cordialité qui est générale chez les Brésiliens. Mais je préférais ma liberté, puisque j'avais trouvé à me loger, et remerciant ces messieurs, je revins avec mon guide faire quelques emplettes. Nous courûmes toute la ville pour trouver les choses les plus ordinaires. Un petit livre qui, en France, m'aurait coûté 5 sous, me coûta 6 francs. On rencontre par hasard, chez un marchand de tabac, des objets complètement opposés à son commerce, des souliers ou un parapluie. Le bottier a quelquefois de l'élixir de la grande chartreuse, ou une guitare ou des perroquets à vendre, ainsi des autres. J'ai longtemps cherché une écritoire. J'avais perdu un scalpel, il m'était impossible de m'en procurer un autre. Les marchands chez lesquels mon horloger me conduisait pour cette emplette s'empressaient de me donner non un scalpel, mais une lancette à saigner. Tout le commerce en avait à vendre. J'ai oublié de m'informer pourquoi la lancette joue en ce pays un si grand rôle. J'appris en courant les rues que ces figures pâles, ces cadavres vivants, qui m'avaient d'abord impressionné désagréablement, n'étaient pas malades le moins du monde. La plupart de ces individus sont des Portugais venant des îles. Par économie, ils ne dépensent rien. On m'a dit que plusieurs vivaient avec quelques bananes par jour. Leur sang s'appauvrit, ils perdent leur force. Ce régime, auquel pourtant ils s'habituent, leur donne cette couleur dans laquelle le vert domine, ce qui ne les empêche pas, en amassant sou sur sou, de devenir très riches. Mon guide faisait toujours cette plaisanterie en les voyant. « Voilà, monsieur le commandeur futur, ces gens-là le deviennent tous. » J'avais l'intention d'en peindre un, car cette couleur de cadavre vivant était une étude curieuse à joindre à celle que je possédais déjà. Mais quand j'étais en mesure de le faire, j'étais moi-même devenu pâle et malade comme eux. Par l'intermédiaire de mon horloger, j'eus l'espoir de me procurer pour domestique un Français habitant le Paria depuis 32 ans. Malheureusement, on ne savait où il logeait. Une fois mes lettres remises, j'allais faire une visite à M. de Froidefond, consul du Paria. Il habitait à une demi-lieue de la ville, à Nazareth. C'est dans ce lieu que les gens riches vont habiter généralement. C'est encore, comme le cas Tété à Rio, le faubourg Saint-Germain de l'endroit. Je trouvai le consul étendu dans un hamac. Il était fort pâle et fort maigre. Il me présenta sa femme, une fille de Madame la Duchesse de Rovigo. J'avais l'honneur de la connaître et c'était d'avoir bien du bonheur dans ce pays lointain, de pouvoir presque en arrivant parler ensemble de personnes qui m'avaient honoré de leur bienveillance. Quand j'exprimai le désir d'avoir un domestique sachant le français, Monsieur le consul me répondit que le peu de français résidant au Paria étaient des négociants représentant des maisons de commerce, soit de Nantes, soit du Havre. Mon guide alors parla du vieux français qu'on n'avait pas pu trouver. Mais me dit Monsieur Froidefond, cet homme est un misérable, un ivrogne. Gardez-vous de le prendre à votre service, il s'est fait chasser de partout. Je témoignai aussi mon désir d'aller dans les bois vierges pour y faire de la photographie. Monsieur de Froidefond s'écria, « Des bois vierges, mais il n'y en a pas, ou du moins, il faudrait aller bien loin. » Pas de forêt vierge, mais il m'en fallait, et je me dis tout bas, j'en aurais. Dussé-je aller jusqu'au Pérou. J'avais rencontré le matin un individu dont la mine m'avait déplu. Je le revis en rentrant. Il était très sale, très vieux, très laid. Les sourcils, descendant au-dessous des yeux, les lui cachaient complètement. Il était en outre un peu boiteux. J'ai su depuis que c'était par suite d'une blessure sur la jambe de l'époque des révoltes de Paria. Or, c'était précisément le français, mon futur domestique, Monsieur Benoît. Au Brésil, à tous les garçons d'hôtel, on dit « Monsieur, faites-moi le plaisir de me faire servir un potage. » Si par malheur vous conservez la mauvaise habitude que vous avez prise en Europe de dire simplement « Garçon, mon potage, vous êtes jugé, vous attendrez toujours. » Je questionnais M. Benoît, et je crus avoir affaire à un polyglotte, car il me répondit dans une langue inconnue. N'ayant besoin que d'un homme sachant le français et le portugais, je répétai ma question. Il me répondit quelque chose que je ne compris pas davantage. L'horloger m'expliqua que depuis son séjour prolongé au Paria, M. Benoît avait un peu oublié le français, et pas beaucoup appris le portugais, mais qu'il avait bonne volonté. Et c'était vrai, car à peine lui eus-je dit d'aller me chercher une chaise à droite de la chambre, qu'il se précipita à gauche et m'apporta mon chapeau. Ce trait seul m'eut décidé. J'engageai M. Benoît au prix de 1000 reais par jour, un peu moins de 3 francs, et la nourriture. Il avait son hamac et un petit coffre dans lequel étaient un pantalon et une chemise de rechange. M. Benoît n'a jamais changé de linge pendant tout le temps qu'il a passé avec moi. Il s'agissait maintenant, avant de me composer un petit ménage, de trouver à me loger dans le voisinage des bois, non pas vierges, mais tels qu'ils étaient, faute de mieux. Un jour, Devant la porte du consul, je me lamentais de ne rien pouvoir faire, quand de loin nous vîmes un jeune homme monté sur un cheval blanc. « Voilà votre affaire, » me dit-il, « c'est M. G., un ingénieur français. Il a fait une route dans les bois, et il connaît tous les Indiens des environs, les ayant employés à ce travail. » Il l'appela. M. G. se mit à sa disposition, et une heure après, nous courions la campagne. Nous entrâmes dans le bois où la route avait été faite par ses ordres. Nous découvrîmes une case bien cachée par les arbres. Elle appartenait à un médecin, et était habitée par deux Indiens, hommes et femmes. Nous allâmes de suite chez le propriétaire, qui, sans hésitation, me donna la permission de m'y loger lorsqu'il aurait fait faire quelques réparations indispensables.